Chapitre 4 Des essais de Montaigne Livre 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane Essai par Michel Ecaim de Montaigne Livre 1 Chapitre 4 Comme l'âme décharge ses passions sur des objets faux quand les vrais lui défaillent. Un gentilhomme des nôtres, merveilleusement sujet à la goutte, étant pressé par les médecins de laisser du tout l'usage des viandes salées, avait accoutumé de répondre plaisamment que, sur les efforts et tourments du mal, il voulait avoir à qui s'en prendre, et que, s'écriant et maudissant tantôt le cervelas, tantôt la langue de bœuf et le jambon, il s'en sentait d'autant allégé. Mais en bon escient, comme le bras étant haussé pour frapper, il nous dut, si le coup ne rencontre, et qu'il aille au vent. Aussi, que pour rendre une vue plaisante, il ne faut pas qu'elle soit perdue et écartée dans le vague de l'air. Un qu'elle ait but pour la soutenir à raisonnable distance. Ventus ut amitit vires, nisi robore danse, occurrens silvo espacio diffusus inani. De même, il semble que l'âme ébranlée et émue se perdent en soi-même, si on ne lui donne prise, et il faut toujours lui fournir d'objets où elle s'abute et agisse. Plutarque dit à propos de ceux qui s'affectionnent aux guenons et petits chiens, que la partie amoureuse qui est en nous, à faute de prise légitime, plutôt que de demeurer en vain, s'en forge ainsi une fausse et frivole. Et nous voyons que l'âme, en ses passions, se pipe plutôt elle-même, se dressant un faux sujet et fantastique, voire contre sa propre créance, que de n'agir contre quelque chose. Ainsi, emportent les bêtes leur rage à s'attaquer à la pierre et au fer qui les a blessées, et à se venger à belles dents sur soi-même du mal qu'elles sentent. Pannonis aud aliter, post ictum sevior, ursa, qui iaculum parva, Libis amentavit abena, se rotat in vulnus, telumque irata receptum, impetit et secum fugentem circuit astam. Quelle cause n'inventons-nous des malheurs qui nous adviennent? À quoi ne nous prenons-nous à tort ou à droit pour avoir ou nous escrimer? Ce ne sont pas ces tresses blondes que tu déchires, ni la blancheur de cette poitrine que dépité tu bats si cruellement, qui ont perdu d'un malheureux plomb ce fer bien-aimé. Prends-en ailleurs. Livius, parlant de l'armée romaine en Espagne, après la perte des deux frères, ses grands capitaines, « Flere omnes repente et offensare capita ». C'est un usage commun, et le philosophe Bion, de ce roi, qui de deuil s'arrachait le poil, fut plaisant. Celui-ci pense-t-il que la pelade soulage le deuil? Qui n'a vu marcher et engloutir les cartes, se gorger d'une balle de dés, pour avoir ou se venger de la perte de son argent? Zérès fouetta la mer, et écrivit un cartel de défi au mont Athos. Et Cyrus amusa toute une armée plusieurs jours à se venger de la rivière de Guindus, pour la peur qu'il avait eue en la passant. Et Caligula ruina une très belle maison, pour le plaisir que sa mère y avait eu. Le peuple disait en ma jeunesse qu'un roi de nos voisins, ayant reçu de Dieu une bastonnade, jura de s'en venger, ordonnant que de 10 ans on ne le priât, ni parlât de lui, ni autant qu'il en était de son autorité, qu'on ne crût en lui. Par où on voulait peindre non tant la sottise que la gloire naturelle à la nation. De quoi était le comte? Ce sont vices toujours conjoints, mais telles actions tiennent, à la vérité, un peu plus encore d'outrecuidance que de bêtises. Augustus César, ayant été battu de la tempête sur mer, se prit à défier le dieu Neptunus, et en la pompe des jeux circenses, fit ôter son image du rang où elle était, parmi les autres dieux, pour se venger de lui. En quoi il est encore moins excusable que les précédents, et moins qu'il ne fut depuis, lorsqu'ayant perdu une bataille sous Quintilius Varus en Allemagne, il allait de colère et de désespoir, choquant sa tête contre la muraille, en s'écriant « Varus, rends-moi mes soldats, car ceux-là surpassent toute folie, d'autant que l'impiété y est jointe, qui s'en adressent à Dieu même ou à la fortune, comme si elle avait des oreilles sujettes à notre batterie. À l'exemple des thraces qui, quand ils tonnent ou éclairent, se mettent à tirer contre le ciel d'une vengeance titanienne, pour ranger Dieu à raison, à coups de flèche. Or, comme dit cet ancien poète chez Plutarque, point ne se faut courroucer aux affaires, il ne leur chaude toutes nos colères. Mais nous ne dirons jamais assez d'injures au dérèglement de notre esprit. » Fin du chapitre 4.